chanson cachée. Mais en fait non, c'est on va faire une chanson retrouvée. Parce qu'en fait elle était à la fin du CD. On l'a retrouvée la chanson. Alors pour votre plus grand plaisir, Zoro Zora en live avec leur tube Le bateau c'est rigolo. 3, 4. Le bateau c'est rigolo, on navigue sur l'eau. Et quand y a une rafale, on en parle. Descends, on en parle. On parle qu'il y a des chips, du pain et des chocapics. Et quand t'as envie d'une crêpe, alors là c'est pas la fête. Du carambar. Ah. Le bateau c'est rigolo, on navigue sur l'eau. Sur l'eau. Et quand y'a une rafale, on en parle. Jimi Hendrix. Sur Alto Grosso Merdo, il y a beaucoup d'eau. Avec les loulous et les missions fait sous-marin. C'est la furie à Narbonne ou quoi? Ouais. Vous voulez tous chanter? Ouais. 3, 12. Le bateau c'est rigolo, on navigue sur l'eau. On fait des solos. Oh, c'est ça que c'est la furie. Solo. Oh putain, une pompe de paix qui marche. Ah non, ça c'est pas moi. Attention, c'est rien à moi, solo. Ça vous a plu, Narbonne? Ouais. Merci. Qu'on allait vous quitter comme ça quand même dans cette ambiance de folie pure. Alors on va vous faire une nouvelle mise en scène de la fille et du bar tabac. Vous voulez? Ouais. Oh oui. Allez les gars. Chouette. Allez. Zora, trop cool. Zora, c'est les meilleurs de toute façon. Bon alors on va y aller. Donc chacun on dit. Alors c'est tout nouveau, ça vient de sortir. 3, 4. Tu. Te. Fais. A. Du. Mais. Bar. Non, là c'était Sylvain. Non, il faut repartir. Vas-y. Tu te fais à mes partout les gars du quartier. À peine ils te connaissent. Ils te mettent te dans la poche. Ils ont trop de présenter. T'es tu ne fais aucun effet. Mais Clochette. Moi. Je. Te veux. Pas. Uno, on change de tour. C'est merde. Thomas, ça paralytique. Toi. Toi. Moi. Inversement. Non, tu te fais allumer. Thomas. Toi. Moi. Moi. Tu. Toi. Tu fais une. Mourras. Pas. Oh, tu mourras pas. Pas. Pas. Et on repart. Tu. Te. Fais. Mais. Pas. Sars. Non mais juste pour savoir, ça va toujours Narbonne. Ouais. Et là on fait 1, 2 et 1. Tu te fais allumer par tous les gars du quartier. Après tu te connaître. Mais dans la parole je te présenter. Je te présenter. Je ne veux pas de l'eau. Attention canon. Tu te fais allumer. Tu te fais allumer. Oh, André, je trouve que ces jeunes, ils iront loin dans la vie, moi je te le dis. Ouais, ça reste à voir. Magnifique.